Je quittais la prison de la santé le 17 janvier 1895. J'avais préparé comme d'habitude ma cellule, rabattu ma couchette, et je m'étais couché à l'heure réglementaire, sans qu'aucun indice pût me faire soupçonner mon départ. J'avais même été prévenu dans la journée que ma femme avait reçu l'autorisation de me voir le surlendemain, n'ayant pas pu venir depuis près d'une semaine. Entre 10h et 11h du soir, je fus brusquement réveillée. On me dit de me préparer aussitôt pour le départ. Je n'eus que le temps de m'habiller à la hâte. Le délégué du ministère de l'Intérieur, chargé, avec 3 gardiens du transbordement, fut d'une brutalité révoltante. À peine vêtu, il me fit mettre les menottes et ne me donna même pas le temps de prendre mon lorgnon. Il faisait un froid terrible. Je fus conduite à la gare d'Orléans dans une voiture cellulaire, puis dirigée par l'entrée de la petite vitesse sur le quai de départ, où se trouvait un wagon spécial pour le transport des prisonniers destinés au bagne. Ce wagon comprend un certain nombre de cellules qui ont juste la dimension d'un homme assis. Chacune est close par une porte qui empêche d'étendre les jambes. Je fus enfermée dans l'une d'elles, les menottes aux poignets et les fers aux pieds. La nuit fut horriblement longue. Tous mes membres étaient engourdis. Dans la matinée du lendemain, je pus obtenir, après de nombreuses demandes, un peu de café noir, du pain et du fromage. Je grelottais la fièvre. Enfin, vers midi, nous arrivâmes à La Rochelle. Notre départ de Paris n'avait pas été signalé. Et si, à l'arrivée, on m'eût embarqué tout de suite pour l'île de Ré, j'aurais passé inaperçu. Mais il y avait quelques personnes à la gare, ayant l'habitude de venir voir débarquer les forçats en partance pour l'île de Ré. On voulut attendre leur départ. À chaque instant, le gardien-chef était appelé hors du wagon par le délégué du ministère de l'Intérieur, puis venait donner des ordres mystérieux aux autres gardiens. Ceux-ci sortaient, chacun à son tour, revenaient, fermaient tantôt une persienne, tantôt l'autre, se parlaient à l'oreille. Il était évident que ce singulier manège allait éveiller l'attention de ces quelques curieux qui se dirent qu'il devait y avoir un prisonnier important dans la voiture cellulaire et, comme on ne leur faisait pas descendre, cherchèrent à l'y voir. Aussitôt, affolement des gardiens, du délégué du ministère de l'Intérieur, puis une indiscrétion fut, paraît-il, commise, mon nom fut prononcé. La nouvelle se répandit et la foule ne fit que grossir. Je dus rester tout l'après-midi dans la voiture cellulaire, entendant au dehors la foule qui devenait de plus en plus houleuse. Enfin, à la nuit, on me fit sortir du wagon. Dès que je parus, les clameurs redoublèrent, les coups pleuvaient sur moi. Autour de moi, des bousculades eurent lieu. Je restais impassible au milieu de cette foule. Je me trouvais même un instant presque seul au milieu d'elle, prête à lui livrer mon corps. Mais mon âme était à moi, et je comprenais trop bien la douleur de ce peuple abusé. J'aurais voulu, en lui laissant mon être physique, lui crier son erreur. Je repoussai même les gardiens qui vinrent à moi, et ils me répondirent qu'ils étaient responsables de moi. Mais quelle lourde responsabilité incombe à ceux qui firent ainsi supplicier un homme, qui abusèrent tout un peuple. Je parvins enfin à la voiture qui devait m'emmener, et, après une course mouvementée, nous arrivâmes au port de la Palisse, où je fus embarqué sur une chaloupe. Le froid était atroce. J'avais le corps engourdi, la tête en feu, les mains gelées et brisées par les menottes. Le trajet dura près d'une heure. À mon arrivée à l'île de Ré à la nuit noire, je dus marcher dans la neige pour arriver au dépôt. Je fus reçu durement par le directeur et conduit au greffe où l'on me déshabilla entièrement pour me fouiller. Enfin, vers 9h du soir, brisé de corps et d'âme, je fus mené dans la cellule que je devais habiter. À côté de cette cellule se trouvait le poste des gardiens. Il communiquait avec ma cellule par une large ouverture grillée, placée au-dessus de ma couchette. Nuit et jour, 2 surveillants relevés de 2 heures en 2 heures étaient de garde à cette ouverture et ne devaient pas perdre de vue un seul de mes mouvements. Le directeur du dépôt me prévint le jour même que lorsque j'aurais des entrevues avec ma femme, elles auraient lieu au greffe en sa présence, qu'il serait placé entre ma femme et moi, nous séparant l'un de l'autre, et que je n'aurais pas le droit de m'approcher de ma femme ni celui de l'embrasser. Durant mon séjour à l'île de Ré, je fus chaque jour mise à nu et fouillée, après la promenade que j'étais autorisée à faire dans le préau attenant à ma cellule. Le préau était complètement isolé des bâtiments et des cours affectées aux condamnés par un mur très élevé. Une porte y donnait accès. Elle ne s'ouvrait que pour les besoins du service. Quand je sortais pour me promener, tous les gardiens prenaient la faction le long des murs. Les lettres que nous échangeâmes, ma femme et moi, rendent nos impressions de cette époque. En voici quelques extraits. Île de Ré, 19 janvier 1895. Jeudi soir, on est venu me réveiller pour m'emmener ici, où je suis arrivée seulement hier au soir. Je ne veux pas te raconter mon voyage pour ne pas t'arracher le cœur. Sache seulement que j'ai entendu les cris légitimes d'un peuple contre celui qu'il croit un traître, c'est-à-dire le dernier des misérables. Je ne sais plus si j'ai un cœur. Veux-tu être assez bonne pour demander ou faire demander au ministre les autorisations suivantes que lui seul peut accorder? Premièrement, le droit d'écrire à tous les membres de ma famille, père, mère, frères et sœurs. Deuxièmement, le droit d'écrire et de travailler dans ma cellule. Actuellement, je n'ai ni papier, ni plume, ni encre. On me remet seulement la feuille de papier sur laquelle je t'écris, puis on me retire plume et encre. Je ne te conseille pas de venir avant que tu ne sois complètement guérie. Le climat est très rigoureux et tu as besoin de toutes tes forces pour nos chers enfants d'abord, pour le but que tu poursuis ensuite. Quant à mon régime ici, il m'est interdit de t'en parler. Je te rappelle enfin qu'avant de venir ici, il faut que tu te munisses de toutes les autorisations nécessaires pour me voir, que tu demandes le droit de m'embrasser, etc. Île de Ré, 21 janvier 1895. L'autre jour, quand on m'insultait à La Rochelle, j'aurais voulu m'échapper des mains de mes gardiens et me présenter la poitrine découverte à ceux pour lesquels j'étais un juste objet d'indignation, et leur dire « Ne m'insultez pas, mon âme que vous ne pouvez pas connaître est pure de toute souillure. Mais si vous me croyez coupable, tenez, prenez mon corps, je vous le livre sans regret. Au moins alors, sous l'âpre morsure des souffrances physiques, quand j'aurais encore crié « Vive la France !» Peut-être alors eût-on cru à mon innocence. Enfin, qu'est-ce que je demande, nuit et jour? Justice, justice. Sommes-nous au XXIe siècle ou faut-il retourner de quelques siècles en arrière? Est-il possible que l'innocence soit méconnue dans un siècle de lumière et de vérité qu'on cherche? Je ne demande aucune grâce, mais je demande la justice qu'on doit à tout être humain. Qu'on poursuive les recherches, que ceux qui possèdent de puissants moyens d'investigation les utilisent dans ce but. C'est pour eux un devoir sacré d'humanité et de justice. Il est impossible alors que la lumière ne se fasse pas autour de ma mystérieuse et tragique affaire. Je n'ai que deux moments heureux dans la journée, mais si courts. Le premier, quand on m'apporte cette feuille de papier afin de pouvoir t'écrire. Je passe ainsi quelques instants à causer avec toi. Le second, quand on m'apporte ta lettre journalière. Je n'ose te parler de nos enfants. Quand je regarde leurs photographies, quand je vois leurs yeux si bons, si doux, les sanglots me montent du cœur aux lèvres. Île de Ré, 23 janvier 1895. Je reçois tous les jours tes lettres. On ne m'a encore remis de lettres d'aucun membre de la famille. De même, de mon côté, je n'ai pas encore l'autorisation de leur écrire. Je t'ai écrit tous les jours depuis samedi. J'espère que tu es en possession de mes lettres. Quand je pense à ce que j'étais il y a quelques mois à peine, et quand je le compare à ma situation misérable d'aujourd'hui, j'avoue que j'ai des défaillances, des colères farouches contre l'injustice du sort. Je suis en effet la victime de l'erreur la plus épouvantable de notre siècle. Ma raison se refuse parfois à y croire. Il me semble que je suis le jouet d'une terrible hallucination, que tout cela va se dissiper. Mais hélas, la réalité est tout autour de moi. Alfred. De ma femme. Paris, 20 janvier 1895. Je suis dans des transes épouvantables, dans une inquiétude terrible de ne pas avoir encore de nouvelles de toi. Je souffre horriblement. Il me semble qu'à mesure qu'on te torture, on m'arrache des lambons de moi-même. C'est atroce. Que je voudrais donc être déjà près de toi, te soutenir par ma chaude affection, te dire quelques douces paroles qui réchaufferaient un peu ton pauvre cœur. Paris, 21 janvier 1895. Fort heureusement, je n'avais pas lu les journaux hier matin, et on s'était efforcé de me cacher l'ignoble scène de La Rochelle. Sinon, je serais devenue folle d'inquiétude. Quels épouvantables moments tu as dû passer. Mais cette attitude de la foule ne m'étonne pas. Elle est le résultat de la lecture de ces vilaines feuilles. qui ne vivent que de diffamation et d'ordures, et qui ont écrit force mensonges. Mais rassure-toi, parmi les gens qui raisonnent, il s'est fait un grand changement. Paris, 22 janvier 1895. Toujours pas de lettre de toi. Depuis jeudi, je suis sans nouvelles. Si je n'avais été rassurée sur ta santé, je serais morte d'inquiétude. Je pense à toi sans cesse. Pas une seconde ne s'écoule sans que je souffre avec toi. Et ma souffrance est d'autant plus terrible que je suis loin, sans nouvelles, et qu'à cet horrible tourment, de toute heure se joint l'inquiétude. Je ne puis attendre le moment d'avoir l'autorisation de te rejoindre, de te tenir dans mes bras. Que de choses j'ai à te dire. D'abord des nouvelles de nous tous, de nos pauvres enfants, de toute la famille, puis les efforts surhumains que nous faisons pour trouver dans notre pauvre intelligence la clé de l'énigme. Paris, 23 janvier 1895. Je viens de télégraphier à Monsieur le directeur du dépôt pour lui demander de tes nouvelles. Je ne me possède plus d'inquiétude. Je n'ai reçu aucune lettre de toi depuis ton départ de Paris. Je ne m'explique pas du tout ce qui arrive et me tourmente horriblement. Je me doute bien que tu m'as écrit tous les jours. Mais alors, quelle est la raison de ce retard? Je suis incapable de me répondre. Pourvu que tu aies reçu mes lettres, que tu ne sois pas inquiet. C'est atroce d'être aussi loin l'un de l'autre et d'être privé de nouvelles. Je voudrais te savoir fort et courageux, n'avoir aucun doute sur ta santé, te savoir à un régime moins rigoureux. Lucie. De l'île de Ré, 24 janvier 1895. D'après ta lettre datée de mardi, tu n'as encore reçu aucune lettre de moi. Comme tu dois souffrir, ma pauvre chérie. Quel horrible martyr pour tous deux. Île de Ré, 25 janvier 1895. Ta lettre d'hier m'a navrée. La douleur y perçait à chaque mot. Je ne sais ni sur qui ni sur quoi fixer mes idées. Quand je regarde le passé, la colère me monte au cerveau, tant il me semble impossible que tout me soit ainsi ravi. Quand je regarde le présent, ma situation est si misérable que je pense à la mort comme à l'oubli de tout. Il n'y a que lorsque je regarde l'avenir que j'ai un moment de soulagement. Tout à l'heure, j'ai regardé pendant quelques instants les portraits de nos chers enfants, mais je n'ai pu supporter leur vue longtemps, tant les sanglots m'étreignaient la gorge. Oui, ma chérie, il faut que je vive, il faut que je supporte mon martyre jusqu'au bout, pour le nom que portent ces chers petits. Il faut qu'ils apprennent un jour que ce nom est digne d'être honoré, d'être respecté. Il faut qu'ils sachent que si je mets l'honneur de beaucoup de personnes au-dessous du mien, je n'en mets aucun au-dessus. Je n'aurai plus dorénavant le droit de t'écrire que deux fois par semaine. Île de Ré, 28 janvier 1895. Voilà un des jours heureux de ma triste existence, puisque je puis venir passer une demi-heure avec toi, à causer et à t'entretenir. Chaque fois qu'on m'apporte une lettre de toi, un rayon de joie pénètre dans mon cœur profondément ulcéré. Regarder en arrière, je ne le puis. Les larmes me saisissent quand je pense à notre bonheur passé. Je ne puis que regarder en avant, avec le suprême espoir que bientôt luira le grand jour de la lumière et de la vérité. Île de Ré, 31 janvier 1895. Enfin, voici de nouveau le jour heureux où je puis t'écrire. Je les compte, hélas, les jours heureux. En effet, je n'ai plus reçu de lettre de toi depuis celle qui m'a été remise dimanche dernier. Quelle souffrance épouvantable! Jusqu'à présent, j'avais chaque jour un moment de bonheur en recevant ta lettre. C'était un écho de vous tous, un écho de toutes vos sympathies qui réchauffaient mon pauvre cœur glacé. Je relisais ta lettre 4 ou 5 fois. Je m'imprégnais de chaque mot. Peu à peu, les mots écrits se transformaient en paroles dites. Il me semblait bientôt t'entendre me parler tout près de moi. Ô musique délicieuse qui allait à mon âme. Puis, depuis 4 jours, plus rien. La mort de tristesse, l'épouvantable solitude. Alfred. De ma femme. Paris, 24 janvier 1895. Enfin, j'ai reçu une lettre de toi. Ce matin seulement, elle m'est parvenue. J'étais dans une inquiétude folle. Que de larmes j'ai versées sur cette pauvre petite lettre, sur cette pauvre petite partie si petite de toi-même, qui m'arrive après tant de jours d'inquiétude. Et encore, les nouvelles que je reçois sont du 19, lendemain du jour de ton arrivée, et je les reçois seulement le 24, c'est-à-dire 5 jours après. Faut-il qu'on ait peu de pitié pour maltraiter, pour torturer ainsi deux pauvres êtres qui s'adorent et qui n'ont dans le cœur que des sentiments droits et honnêtes, qui n'ont qu'un but, qu'un rêve, trouver le coupable et réhabiliter leur nom, celui de leurs enfants qui a été injustement avili. Paris, 27 janvier 1895. J'ai reçu ce matin ta bonne et chère lettre. Elle m'a procuré un instant de joie. Pardonne-moi mes premières lettres si navrées. J'ai eu un moment de découragement, c'est vrai. J'étais sans nouvelles de toi et malade d'inquiétude. Cette période est passée. La volonté a repris le dessus. Je suis de nouveau forte pour la lutte. Il faut que nous vivions tous deux. Il faut que nous arrivions à ta réhabilitation. Il faut que la lumière soit éclatante. Nous n'aurons le droit de mourir que lorsque notre tâche sera accomplie, lorsque notre nom sera lavé de cette souillure. Mais alors des jours heureux reviendront. Je t'aimerai tant. Tes enfants reconnaissants te témoigneront une telle affection que toutes tes souffrances, si épouvantables qu'elles aient été, s'effaceront. Je sais que toutes ces paroles ne t'enlèvent pas les atroces souffrances actuelles. Mais tu as une âme d'élite, une volonté de faire, une conscience absolument pure. Et avec des armes pareilles, il faut que tu résistes. Il faut que nous résistions tous deux. Pierre s'est amusé ce matin à regarder toutes les photographies que j'ai de toi. À cheval, en voyage, à Bourges. Il était heureux de les montrer à sa petite sœur et de détailler toutes les remarques qui lui passaient par la tête. Jeanne l'écoutait avec respect. Paris, 31 janvier 1895. Pas de nouvelles ce matin, comme je l'espérais. Mon Dieu, quelle vie au jour le jour dans l'attente d'un meilleur lendemain. Lucie. De l'île de Ré, 3 février 1895. Je viens de passer une semaine atroce. Je suis sans nouvelles de toi depuis dimanche dernier, c'est-à-dire 8 jours. Je me suis imaginé que tu étais malade, puis que l'un des enfants l'était. J'ai fait ensuite toutes sortes de suppositions dans mon cerveau malade. J'ai bâti toutes sortes de chimères. Tu peux t'imaginer, ma chérie, tout ce que j'ai souffert, tout ce que je souffre encore. Dans mon horrible solitude, dans la situation tragique dans laquelle les événements aussi bizarres qu'incompréhensibles m'ont placé, j'avais au moins cette unique consolation. C'est de sentir près de moi ton cœur battre à l'unisson du mien. Partager toutes mes tortures. Île de Ré, 7 février 1895. Je suis sans nouvelles de toi depuis 10 jours. Te dire mes tortures est impossible. Quant à toi, il faut que tu gardes tout ton courage et toute ton énergie. C'est au nom de notre profond amour que je te le demande, car il faut que tu sois là pour laver mon nom de la souillure qui lui a été faite. Il faut que tu sois là pour faire de nos enfants de braves et honnêtes gens. Il faut que tu sois là pour leur dire un jour ce qu'était leur père, un brave et loyal soldat, écrasé par une fatalité épouvantable. Aurais-je des nouvelles de toi aujourd'hui? Quand apprendrai-je que j'aurai le plaisir et la joie de t'embrasser? Chaque jour, je l'espère et rien ne vient rompre mon horrible martyre. Du courage, ma chérie, il t'en faut beaucoup, beaucoup. Il vous en faut à tous, à nos deux familles. Vous n'avez pas le droit de vous laisser abattre, car vous avez une grande mission à remplir, quoi qu'il advienne de moi. Alfred. De ma femme, Paris, 3 février 1895. Tous les matins, une nouvelle déception car le courrier ne m'apporte rien. Que penser? Par moments, je me demande si tu es malade, ce que tu deviens. Je me représente toutes les choses les plus épouvantables et dans ces longues nuits, je suis en proie à des cauchemars terribles. Je voudrais être là près de toi pour te consoler, pour te soigner, pour te faire reprendre des forces. Je n'ai pas encore obtenu l'autorisation de venir te voir, c'est long. Mon Dieu, voilà bientôt 3 semaines que tu es parti pour l'île de Ré. Sans que personne de ta famille ait pu t'embrasser. Paris, 4 février 1895. J'ai eu le bonheur de recevoir ton excellente lettre. Pense un peu comme j'ai été heureuse d'avoir de tes nouvelles, quoiqu'elles soient bien lointaines, puisqu'elles datent de lundi il y a 8 jours, une longue semaine pour que tes douces paroles me parviennent. Paris, 6 février 1895. Cela me fait tant de chagrin quand je regarde nos pauvres chers enfants. De penser que tu aurais un tel bonheur de les avoir autour de toi, de les voir grandir, se développer, d'assister à l'ouverture de leurs intelligences, que parfois les larmes me montent aux yeux. Voilà près de 4 mois que tu ne les as pas vus, ces pauvres petits, et ils ont bien changé. Paris, 7 février 1895. Ta dernière lettre est datée du 28 janvier. Elle a mis 8 jours pour me parvenir, et depuis je suis sans nouvelles, c'est bien dur. J'espérais de tout cœur pouvoir causer avec toi, sinon verbalement, du moins par lettre. Et ces malheureuses nouvelles déjà si longues à venir s'espacent de plus en plus. Enfin, j'attends toujours impatiemment mon autorisation et je compte la voir bientôt. J'ai le plus grand désir de te voir, de t'embrasser, de lire dans tes yeux ton courage, ta patience, ton admirable abnégation et ton dévouement à nos enfants. Paris, 9 février 1895. J'ai reçu ce matin ta lettre du 31 janvier. Tes souffrances me navrent. J'ai pleuré, pleuré bien longuement, la tête entre mes deux mains, et il m'a fallu une chaude caresse de notre bon petit Pierre pour amener un sourire sur mes lèvres. Et encore, mes souffrances ne sont rien comparées aux tiennes. Ne te chagrine pas quand tu ne reçois pas de lettre de moi. Je t'écris tous les jours, je n'ai que ce bon moment. Je ne veux pas m'en priver. Paris, 10 février 1895. J'ai eu une joie enfantine hier soir en recevant enfin l'autorisation de te voir deux fois par semaine. Enfin, le moment va venir où j'aurai le bonheur extrême de te serrer sur mon cœur et de te rendre par ma présence de nouvelles forces. Je suis navrée que tu ne reçoives pas mes lettres. Je n'ai pas manqué un seul jour de venir causer avec toi. Je ne puis m'expliquer la raison de cette rigueur. Mes lettres, cependant, n'indiquent que des sentiments parfaitement honnêtes, le chagrin amer d'une situation aussi injustement épouvantable et l'espoir d'une réhabilitation prochaine. Lucie. Ma femme avait été autorisée à me voir deux fois par semaine, pendant une heure chaque fois, en deux jours consécutifs. Je la vis pour la première fois le 13 février, sans avoir été prévenue de son arrivée. Je fus conduite au greffe, situé à quelques pas de la porte de sortie du préau. Le greffe est une petite salle étroite et longue, blanchie à la chaux et presque nue. Ma femme était assise au fond, le directeur du dépôt au milieu de la salle, entre ma femme et moi. Je dus rester près de la porte, devant la porte et en dehors les gardiens. Le directeur nous prévint qu'il nous était interdit de parler de toutes choses se rapportant à mon procès. Si cruellement blessés que nous fussions par les conditions atroces dans lesquelles on permit de nous revoir, si angoissés que nous fussions de voir les minutes s'écouler avec une rapidité vertigineuse, nous éprouvâmes un grand bonheur intérieur de nous retrouver. Mais la situation était trop poignante pour qu'elle pût être exprimée par des mots. Ce qui fut pour nous un puissant réconfort, c'est que nous sentîmes fortement que nos deux âmes n'en faisaient plus qu'une, que l'intelligence, la volonté de tous ne seraient plus tendues que vers un seul but, la découverte de la vérité, du coupable. Ma femme revint me voir le lendemain 14 février, puis repartit pour Paris. Le 20 février, elle était de retour à l'île de Ré. Nos deux dernières entrevues eurent lieu les 20 et 21 février. De l'île de Ré après l'entrevue avec ma femme. Île de Ré, 14 février 1895. Les quelques moments que j'ai passés avec toi m'ont été bien doux, quoiqu'il m'ait été impossible de te dire tout ce que j'avais sur le cœur. Mon temps se passait à te regarder, à m'imprégner de ton visage, à me demander par quelle fatalité inouïe du sort j'étais séparée de toi. De ma femme à son retour à Paris. Paris, 16 février 1895. Quelle émotion, quelle terrible secousse nous avons ressentie tous deux en nous revoyant. Toi surtout, mon pauvre et bien-aimé mari. Tu as dû être terriblement ébranlé n'étant pas prévenu de mon arrivée. Les conditions dans lesquelles on nous a autorisés à nous voir étaient vraiment par trop terribles. Lorsqu'on est séparé aussi cruellement depuis 4 mois, n'avoir le droit de se parler qu'à distance, c'est atroce. Comme j'aurais voulu te presser sur mon cœur, te serrer les mains, pouvoir aussi te réchauffer un peu, pauvre solitaire. Quel déchirement j'ai éprouvé en quittant Saint-Martin, en m'éloignant de toi, Lucie. De l'île de Ré, après avoir vu ma femme. Île de Ré, 21 février 1895, jour même de mon départ que j'ignorais. Quand je te vois, le temps est si court, je suis si angoissée de voir l'heure s'écouler avec une rapidité que je ne connaissais plus, tant les autres heures que je passe me semblent horriblement longues, que j'oublie de te dire la moitié de ce que j'avais préparé. Je voulais te demander si le voyage ne te fatiguait pas, si la mer t'avait été clémente. Je voulais te dire toute l'admiration que j'ai pour ton noble caractère, pour ton admirable dévouement. Plus d'une femme aurait vu son cerveau sombrer sous les coups répétés d'un sort aussi cruel, aussi immérité. Je voulais te parler longuement des enfants. Comme je te l'ai dit, je ferai mon possible pour dompter les battements de mon cœur ulcéré, pour supporter cet horrible et long martyr, afin de voir luire avec vous le jour heureux de la réhabilitation. Alfred. Ma femme supplia en vain dans la seconde entrevue qu'on lui lia les mains derrière le dos et qu'on la laissa s'approcher de moi, m'embrasser. Le directeur refusa brutalement. Le 21 février, je vis ma femme pour la dernière fois. Après l'entrevue qui eut lieu de 2h à 3h, et sans en avoir été informé l'un et l'autre, je fus prévenu subitement d'avoir à m'apprêter pour le départ. Les apprêts consistaient à faire un ballot des faits. Avant le départ, je fus encore déshabillé et fouillé, puis conduit entre 6 gardiens au quai. Je fus embarqué sur une chaloupe à vapeur qui m'amena dans la soirée dans la rade de Rochefort. Je fus transporté directement de la chaloupe sur le transport le Saint-Nazaire. Pas un mot ne m'avait été adressé, pas une indication ne m'avait été donnée sur le lieu où j'allais être déporté. À mon arrivée sur le Saint-Nazaire, je fus conduit dans une cellule de condamnés, fermée par un simple grillage situé sous le pont à l'avant. La partie du pont, en avant des cellules des condamnés, était découverte. Le froid était terrible, près de 14 degrés au-dessous de zéro. La nuit noire. Un hamac me fut jeté, je fus laissé sans nourriture. Le souvenir de ma femme que je venais de quitter quelques heures auparavant, dans l'ignorance de mon départ, que je n'avais même pas pu embrasser, le souvenir de mes enfants, de tous les miens, de tous ces êtres chers que je laissais derrière moi dans la douleur et le désespoir, l'incertitude du lieu où j'allais être conduit, la situation qui m'était faite, tout cela me mit dans un état indescriptible, et je ne pus que me jeter sur le sol, dans un coin de ma cellule, et pleurer à chaudes larmes dans la nuit sombre et froide. Le lendemain soir, le Saint-Nazaire levait l'ancre.